une tristesse indéfinie, et très étonné d'être au monde, un peu surpris d'être en vie. Ils avaient la couleur du fer, pas assez noir, pas assez gris, un ciel blanc barré d'un éclair et une tendresse infinie. Si j'avais été moins fier, si j'avais fait un pas vers lui, au lieu de le fuir et me taire, j'aurais mieux compris ma vie. Et si c'était à refaire, si j'étais debout devant lui, c'est fou le temps qu'on perd, j'aurais deviné ma vie. Dans les yeux de mon père, ces horizons très éloignés, cette peur de s'être trompé de vie, cette vie qu'ils n'avaient pas choisie. Ils avaient la couleur du fer, la couleur des hommes fatigués, un ciel chargé d'au moins de guerre et tellement d'amour à donner. Si j'avais été moins fier, ne pas me croire meilleur que lui, au lieu de me cacher sous terre, d'aimer ma mère plus fort que lui. Si seulement c'était à refaire, je sais ce qu'il a ressenti. C'est fou le temps qu'on perd, j'aurais tout appris de lui. Dans les yeux de mon père, il a préféré se taire, attendre que je vienne à lui. Il ne s'est jamais vu en père, il agissait comme un ami. Si j'avais été moins fier, si seulement j'avais compris, c'est fou le temps qu'on perd, j'aurais tout appris de lui. Peut-être un peu plus près de lui, ma vie dans les yeux de mon père.